inspecteur, moi je ne sais rien par cœur. Oui, je suis le dernier, je passe pour un cuistre, mais je m'en fous, je suis près du radiateur. Tous les mardis à 19h. Yeah. Vous écoutez l'émission Au fond près du radiateur sur FPP 106.3. Non. Truc de dingue, truc de malade, truc de psychopathe, truc de fée, truc de strong. Au fond près du radiateur. On doit continuer le combat contre le racisme, contre la violence policière, contre le travail qui nous tue, contre le chômage, contre la dégradation des quartiers populaires. La seule alternative pour nous, c'est la lutte. C'est la lutte. C'est la lutte. 106.3. Radio fond près du radiateur. Voilà. Nos pas Saran. Grève générale. Il n'y a rien d'autre. Et il faut qu'on soit déterminés dans nos actions. Et on ne doit pas lâcher. Et si on est tous ensemble, on va y arriver. C'est pas eux qui vont décider notre vie. Yo, au fond près du radiateur, man. Tous les mardis soirs, 19h, FPP 106.3 FM. Ha! You want me to hide all my feelings. Bonsoir à tous et à toutes. C'est l'émission Au fond près du radiateur sur fréquence Paris Pluriel 106.3 FM, comme tous les mardis. De 19h à 20h30, et si vous voulez réécouter les rediffusions, on est rediffusé aussi sur la même antenne le vendredi de 7h à 8h30 du matin. Et bien, on vous souhaite une bonne soirée, merci d'être à l'écoute. Et juste avant de faire une petite pause musicale, on va faire donc le sommaire de cette émission. Donc voilà, au fond près du radiateur, on cherche à donner la parole directement à des camarades ou à vous ou à des gens qui sont en lutte. Et ce soir, on a souhaité inviter donc Mamadou Kanté, qui est avec nous ce soir. Bonsoir. Donc toi, tu travailles à l'entreprise Paprec. Donc Paprec, qu'est-ce que c'est? Donc c'est une entreprise qui est située au Blanc-Mesnil et à la Courneuve. Et donc c'est des grands entrepôts qui font du recyclage industriel et aussi du tri sélectif. Et donc toi, tu travailles là-bas depuis une dizaine d'années. Oui. Et comment dire? C'est une entreprise qui est présentée comme une entreprise modèle, recyclage, oui, écolo, éthique socialement, soi-disant. Et en fait, on va voir avec toi tout ce qui se passe derrière les portes de ces entrepôts en réalité. Oui. Et c'est pas vraiment, ça correspond pas vraiment à la condition de travail des ouvriers là-bas, quoi. Pas du tout. Et voilà, bonsoir mes camarades, bonsoir chers amis. Je vous salue toutes les journalistes avec cette invitation. Franchement, je suis très très très content, je suis très très soulagé pour me retrouver avec les radios Paris Pluriel. Et je salue aussi tout ce qui me soutenait financièrement et moralement depuis décembre 2016. Donc, Paprec, je suis salarié du groupe Paprec depuis 23 juin 2004, en qualité de conducteur d'engin. Jusqu'à présent, donc, je suis salarié toujours, parce que comme vous savez, je ne suis pas toujours licencié. Donc, Paprec, c'est une société qui se trouve à la Courneuve 35 rue Pascal, à la 93-120 à la Courneuve. On a des 3 établissements et il y a des 3 établissements aussi à Blanc-Mesnil. Il y a 200 agences en France, en Suisse. Donc, c'est une société qui se trouve actuellement. On a 8000 salariés, 8000, entre 8000 et 10000 salariés. D'accord. Donc, c'est une société qui fait le recyclage des papiers, des bois et du plastique et tout. D'accord. Eh bien, si tu veux, avant de faire une petite pause musicale, je voulais juste présenter le deuxième sujet de cette émission. Donc, on va être ensemble jusqu'à 20h30. Donc, En deuxième partie d'émission, on souhaitait continuer à parler de ce qui se passe en Catalogne. On avait pu en parler avec Ivan, qui est un militant de la CUP. C'est un parti indépendantiste de là-bas qui nous avait expliqué un peu la situation, le référendum, etc. Et la population a voté massivement pour l'indépendance. Et aujourd'hui, il y a une répression qui est assez forte. Il y a des dirigeants qui sont en prison, notamment. Et la population se bat pour faire respecter sa volonté, quoi. Et on parlera avec toi un peu de ce qui se passe là-bas, quoi. Donc merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup. Donc Robinson, tu nous as préparé un peu de musique et on va enchaîner tout de suite avec une petite pause musicale avant de revenir ensemble au fond près du radiateur 106.3 FM, fréquence Paris Pluriel. Bonjour, bonsoir, vous êtes bien dans l'émission Au fond près du radiateur sur la radio 106.3 FM, fréquence Paris pluriel, comme tous les mardis de 19h à 20h30, rediffusé paraît-il le vendredi matin de 7h, si je ne me trompe pas, à 8h30, voilà. Et donc, comme vous le savez, on a fait le choix d'inviter Mamadou, qui travaille dans cette fameuse entreprise qui s'appelle Patrek, c'est bien ça ? Oui, c'est ça. Et le dirigeant s'appelle Jean-Luc... Petit-Ganin. Petit-Ganin, voilà. Avant que tu n'expliques ton parcours, ce serait bien de faire quelques points en fin de compte sur cette entreprise et ce monsieur que je ne connaissais pas. Alors je vais faire comme un petit point d'édito pour rappeler quelques points centrales, puisque ce monsieur est quelqu'un qui est jusqu'à encore pas beaucoup de temps, pas très connu, mais qui va se faire connaître. Et faire un édito ou inviter des gens, c'est intéressant parce que on tire un peu ce que c'est que le capitalisme français, et il est l'un des personnages de ce capitalisme français. Au début des années 90, on parlait d'un certain Bernard Tapie, la success story, et on fait du fric, de l'argent, sur la base que les salariés sont écrasés. Ça, c'était la gauche au pouvoir, on adorait ça. L'émission s'appelait Ambition. Eh bien, je peux dire que ce monsieur qui s'appelle Jean-Luc, je ne sais plus trop quoi... Petit Ganin, voilà, c'est bien ce reflet-là dessus, puisque dès le début, il fait une très grande école, s'appelle l'ESSEC, et c'est, paraît-il, la troisième grande école du monde au niveau du commerce. Donc voilà, on voit ce que ça veut dire être chef d'entreprise, c'est des études bien précises. Oui. Pour faire du fric, il faut être bien clair là-dessus, et on ne fait pas de la philosophie, mais de l'argent sur qui ? Sur, évidemment, les salariés. Oui. Alors, ce monsieur est passé dans différentes entreprises, voilà, et surtout, il a eu toute une série aussi de distinctions, Légion d'honneur. Et en 2016, si j'ai bien compris, il a eu un grand prix de grand entrepreneur. Oui. Il utilise effectivement, alors son grand truc, c'est la prise en main de cette fameuse entreprise en 1994 qui s'appelle Paprec. Oui. Qui à l'époque fait 5 millions de chiffres d'affaires avec 45 salariés. Spécificité, c'est à Saint-Denis. Oui. Et en fin de compte, on fait du recyclage, c'est bien ça ? Oui, c'est bien. 10 ou 15 ans plus tard, oui. Cette entreprise, c'est 8000 salariés, 1,5 milliard de chiffres d'affaires. Oui. Classé aujourd'hui, ce monsieur et sa famille comme la 250e fortune, en tout cas française. Oui. Là, on peut parler effectivement d'une grande success story. Oui. Ce qui est très intéressant de voir, c'est que, en fin de compte, plus les gens, les quelques personnes, et notamment la bourgeoisie, s'enrichit, accumulent du capital, et en même temps, plus un très grand nombre de personnes, effectivement, tombent dans la pauvreté. La base, effectivement, de cette entreprise et de cette success story, c'est la possibilité d'exploiter, de surexploiter des milliers de salariés. Il y a des chercheurs qui ont travaillé sur la richesse de ces grands chefs d'entreprise, sur leurs mœurs, leur cam à eux. C'est la drogue, c'est les hôtels, c'est l'argent. C'est les Ferrari. Effectivement. Et effectivement, ce ouais. monsieur, c'est ça. Oui. Et ce qui est intéressant, je parle de Pinson Charlot, c'est sociologue. Oui. On est vraiment dans des gens qui ne savent pas ce que ça veut dire l'ordure, oui. Qui ne savent pas ce que ça veut dire travailler. La seule chose qu'ils savent, c'est surexploiter les gens. Oui. Alors, c'est une entreprise, et lui, dans ses déclarations, j'ai regardé, il se vante d'avoir plus de 50 salariés de différentes. J'ai bien compris, nationalité. Oui. Alors là, on l'applaudit beaucoup. Oui. Et la deuxième chose, c'est qu'il travaille en Seine-Saint-Denis. Oui. Alors, j'allais dire, M. Macron parlait de ce nouveau monde. Oui. Ce n'est pas un nouveau monde. Juste à côté, il y avait une entreprise appelée PSA Citroën. Oui. Ils employaient 50-60 nationalités. Oui. Et la base de cette exploitation, en tout cas de ce que j'en comprenais, c'était plus on est au plus bas de l'échelle, plus on est étranger, et plus on peut exploiter. Oui. Donc, c'est la formule aussi, faire du fric. Oui. Dans des quartiers les plus défavorisés, avec un personnel malléable. Oui. Une des choses aussi qui s'est fait connaître, et après je vais m'arrêter, parce que sinon, évidemment, je peux en faire des tonnes de points, c'est cette fameuse charte sur la religion, la diversité et les symboles religieux où il ne faudrait pas être vu. Alors, il faut savoir, première chose, que cette charte de l'entreprise est carrément, a priori, illégale. Mmh. Comment licencier une personne qui n'a fait aucune faute ? Deuxième chose, ça montre l'esprit de cette chef d'entreprise. Mmh. Il dit lui-même que son management est paternalisme. Mmh. Et là, on est vraiment dans le paternalisme. C'est-à-dire que non seulement il ne suffit pas d'avoir des contrats serrés et de surexploiter les gens, il faut aussi contrôler la pensée des gens. Mmh. Et je voudrais faire un point. Dans ce pays où les personnes de couleur et notamment de religions différentes sont les premières victimes des licenciements et subissent des campagnes extrêmement violentes, je trouve que là, ça montre ce personnage soi-disant de gauche qui est effectivement lui aussi une personne qui fait la chasse aux sorcières. Alors cette personne pourrait être, il a reçu aussi, et je finirai, un grand prix à la mairie de Paris en je ne sais plus quelle année, parce qu'effectivement c'est quelqu'un qui fait de la diversité, c'est quelqu'un qui fait aussi l'écologie verte. Ouais. On salue Cécile Duflo, entre parenthèses, mmh. parce qu'elle pourrait rien dire de cette personnage, puisqu'évidemment il a appelé à voter Macron contre Marine Le Pen, mais l'écologie verte, c'est d'abord et surtout l'exploitation, la surexploitation et l'accumulation des capitaux, et ça donne un trait de qu'est-ce que le capitalisme français. Alors, Pour finir et t'introduire, eh bien, on a envie de savoir concrètement qu'est-ce qui se passe dans cette entreprise et est-ce que tu peux te présenter aujourd'hui et quelles sont les questions que tu veux que je te pose. Voilà. Merci, merci, merci bien. Actuellement, moi, je m'appelle Mamadou Kanté. Comme vous savez, salarié, je répète encore, j'ai travaillé, j'ai engagé à Paprec depuis juin 2004 comme un conducteur d'engin. Mais je vois Paprec que c'est une société, comme vous avez, je fais rappel, Jean-Luc Petit-Ganan, il dit il y a 50 salariés, 60 salariés, j'ai 33 nationalités différentes dans mon groupe. Et vous voyez les photos à Paprec, il y en a un qui dit Paprec, là où je travaille, il est juste à côté de la 86, à la Courneuve, 35 rue Pascal, juste à côté en partant d'Igny, il est juste à votre droite. Donc, les sociétés Paprec, tu vois les plusieurs photos différentes des enfants, tu vois, Paprec, ils vont aller au niveau de Bruxelles, il dit oui, j'ai 33 nationalités, j'ai 60 nationalités différentes, je suis contre les discriminations, je suis. Il fait beaucoup de recrutements au niveau des Maghrébins, les Africains et tout. Or qu'en réalité, Paprec, c'est que la condition de travail de Paprec a été très dégradée dans certaines. Depuis, je peux dire que moi, depuis que je suis engagé, Paprec, il travaille. C'est le néocolonial qu'on connaît, comme vous savez, et avec l'esclavage. Qui même qu'on parle en Libye, c'est ça qui est juste à côté, à Saint-Denis, qu'on se trouve. On parle d'esclavage en Libye, mais c'est la même esclavage qui se trouve à la Courneuve. C'est ça qui est mon engagement, je le vis. Et moi, en tant que France, c'est un pays qui a des droits de l'homme, c'est un pays que tout le monde, on a liberté, on a de défendre notre droit. Donc moi, mon objectif, c'est d'améliorer les conditions de vie des salariés qui sont dans son situation qui est très, très, très grave. Il y a plusieurs, comme Paprec, que vous voyez, Jean-Luc Petit-Ganan, il dit qu'il a 60 nationalités, mais 60 nationalités, quand tu vois, Paprec, en recrutement, en réalité, il prend les gens qui viennent de juste arriver dans le pays, qui ils sont engagés dans les contrats, ils vont engager dans les contrats qui n'ont pas de connaissances de droit de travail. Donc, ils peuvent signer un contrat, ils vont signer en réalité, ils vont signer quand même un contrat à 35 heures, mais ils ne vont jamais faire 35 heures à la Courneuve. Chez nous, j'ai des témoins et tout. Donc, chez nous, on travaille entre 35 heures et 40 heures et 40 heures, 45 heures par semaine. Donc, or qu'ils ont des contrats de 35 heures, mais les gens, ils viennent de juste arriver, ils ne connaissent pas très bien la loi. Ce que tu décris, c'est que les gens, ils ont un contrat de 35 heures, mais sauf qu'ils travaillent beaucoup plus. Voilà, un recrutement, ils cherchent les Maghrébins, les Africains, qui ne savent pas s'exprimer, qui peuvent se mettre à certaines conditions de travail parce qu'ils viennent d'arriver dans le pays, ils ont besoin juste de l'argent, donc les mecs, ils ne cherchent pas à comprendre. Ça paraît logique. Donc, voilà. Et en fin de compte, à l'époque, on touchait la main de la personne. C'est comme ça qu'on recrutait Citroën. Voilà. Et plus tu as la main osseuse, ça veut dire que tu n'es pas un intellectuel. Ça veut dire que tu n'es pas un intellectuel. Et là, tu viens d'arriver, ils savent très bien que toi, tu viens d'arriver. Toi, tu peux travailler. Même si on te donne un sou de SMIC, donc tu vas l'accepter parce que tu n'as pas le choix. D'accord. Donc moi, dans ces conditions-là, je l'ai dit, je vois que c'est inacceptable. Mais donc, c'est là que mon objectif d'engager avec les syndicats. Engagé avec quel syndicat? Voilà, je suis représentant syndical CGT. D'accord. Donc j'ai des camarades aussi, plusieurs délégués syndicaux qui étaient chez moi, qui ont trouvé c'est la même chose, que c'est inacceptable. Mais ils ont engagé. Mais ils n'arrivent pas à tenir la lutte comme moi. Donc, d'accord. Ils ont eu beaucoup de propositions. Il y a 5 délégués syndicaux de CGT avant moi qui ont été harcelés, qui ont été discriminés. D'accord. Ils ont parti avec une proposition de l'argent. Il y en a qui sont partis même avec 96 000 euros à la Courneuve. D'accord. Donc, ferme ta gueule. Et si tu ouvres trop ta gueule, on te donne de l'argent et tu peux aller ailleurs. Et voilà. Et si, une fois qu'ils vous y savent très bien, il y a d'autres syndicats, hein. Il y a des syndicats comme Enissa dans l'établissement, ouais. Les cadres et tout. Mais un représentant des syndicats, moi, je suis nommé comme représentant syndical le 14 octobre 2017. Ouais. Et le 24 novembre 2016, le 14 octobre 2016 et le 24 novembre 2016, j'ai eu une proposition 48 000 euros pour quitter dans l'établissement sans condition parce que je suis très dans, je suis venu quelqu'un révolutionnaire parce que je voulais montrer les droits des salariés. Je vais faire les révolutions dans les boîtes. Donc là, il faut qu'ils ont proposé immédiatement 48 000 euros pour que je quitte dans l'établissement sans condition. D'accord. Donc moi, je trouve ça, c'est une discrimination. Se syndiquer à un syndicat, voilà. Dans la France de 2017, c'est toit tu dégages, soit on te donne de l'argent, soit on te donne l'argent, soit on te va te casser. Voilà. Et tu proposes l'argent parce que ici ils vont dire que, comme vous savez, ils disent que ouais, c'est les Africains et ils ont besoin juste de l'argent. Donc voilà, on va proposer ce montant-là en Afrique. Ils savent très bien que plus de 80% sont vivent avec les pauvretés. Donc si on propose l'argent, les mecs, ils vont les prendre. Moi, je le dis, je suis très fier de mon mandat. Je me suis engagé pour améliorer les conditions de vie des salariés. Je ne suis pas engagé pour l'argent. Je ne sens pas mon mandat contre l'argent. Donc là, et 8 jours après, j'ai mis en pied titre conservatoire. Mon affaire a été déclassée après les premières propositions. Et le 24 novembre, le 6 décembre, ils ont engagé en procédure en disant que je suis très dangereux, je fais les violences. Et donc, ils ont commencé à monter un dossier contre toi. Ils ont commencé à me proposer. J'ai révisé. Ouais. Ils m'ont donné 3 jours à réfléchir, ouais. À prendre les 48 000 euros. Ouais. Et j'ai révisé. Ouais. Je l'ai dit, je ne sens pas mon mandat parce ouais. Que nous, les CGT, on est là pour défendre les salariés. Si tu vois, j'ai du mandat, garage mes collègues. Ouais. Donc, tu ne peux pas prendre l'argent pour laisser mes collègues dans ces conditions. Parce que je vois bien les conditions de papier qu'il y avait. Tout le monde sait comment on travaille. Moins 5 degrés. Dans l'été, on travaille aussi à 30-45 degrés en dessous de tôle. Donc, il y a des salariés qui sont là-bas, qui travaillent dans les tapis. On a fait, en fait, c'est une scène de tri. On a des conducteurs d'engins qui amélioraient les papiers, qui alimentaient les papiers sur les tapis dans la chaîne de tri. Les mecs, il doit trier les papiers au sol. Mais en réalité, après, il mettait 3-4 personnes dans les chaînes de tri, il mettait les machines en route. Ouais. Et vous êtes obligé d'accélérer en marchant tapis pour trier les papiers. Et tu ne peux pas t'arrêter. Tu t'arrêtes, tu te trouves dans le brouillard. D'accord, ok. Donc ça, c'est une condition qui était tout le monde ici. Ces conditions comme ça, on ne peut pas continuer à travailler parce qu'à peu près qu'on a eu dans ces 5 dernières années, il y a eu plusieurs accidents mortels. J'ai vu qu'il y avait même eu un incendie, je ne sais plus dans quelle entreprise. Il y avait un incendie, il y avait un accident ouais. Mortel à la Courneuve. D'accord. Donc, on a eu les accidents, plusieurs boîtes. Donc là, dans cette condition, moi, personnellement, je l'ai dit, c'est inacceptable. Mais c'est là mon engagement. Donc, moi, je ne suis pas engagé par rapport à l'argent. Si c'était par rapport à l'argent, j'ai déjà parti. Et là, ils croyaient que ce qui s'est passé comme avant, comme il y avait 5 délégués syndicaux qui ont eu les propositions, qui ont parti. C'est vrai, ils ont raison. Ils ont parti souvent parce que, imagine comme moi, depuis décembre 2016 jusqu'à maintenant, sans salaire. Donc, ce n'est pas tout le monde qui arrive de tenir. C'est donc, ça, parce qu'une mise à pied, c'est-à-dire que tu n'as plus le droit de rentrer dans l'entreprise. Voilà, et mise à pied, titre conservatoire. Ouais. Et c'est-à-dire que votre contrat, il est suspendu. Ouais. Mais votre mandat, il n'est pas suspendu. Je peux continuer à faire mon activité syndicale. D'accord. Mais votre contrat, il est toujours suspendu jusqu'à la décision, jusqu'à l'inspecteur de travail qui va regarder. Il peut faire son enquête contradictoire. Après l'enquête contradictoire, l'inspecteur de travail qui va voir si vous avez fait les fautes graves ou pas. Donc là, moi, mon affaire, première mise en pied a été faite le 6 décembre 2016. Mise à pied. Et pendant combien de temps ça a duré? Donc, mon premier mise en pied a été fait le 6 décembre. D'accord. 2016. Donc, ils m'ont convoqué un entretien préalable de licenciement le 16 décembre à 12h à la Courneuve. CGT a fait les manifestations, rassemblement. Donc, ils ont demandé une autorisation de licenciement au niveau de l'inspection de travail le 20 décembre 2016. Donc, l'inspecteur de travail, il a fait son enquête contradictoire jusqu'à le 21 février 2016. Donc, pendant 2 mois, l'inspecteur de travail, il a fait son enquête. Et pendant cette enquête contradictoire, et après, ils m'ont rapproché. Je suis très violent. J'ai fait les commencé des agressions, agresser mon responsable de hiérarchique. Je respecte pas. J'ai refusé des consignes de travail. J'ai tenté de mener mon départ. Donc c'est là, voilà les trois objectifs qui m'ont rapproché. Or qu'en réalité, c'est eux qui m'ont proposé, parce que pendant l'enquête, je l'ai dit à l'inspection de travail, ils m'ont proposé l'argent plusieurs reprises pour que je quitte dans l'établissement. Donc pendant 10 mois, l'inspecteur de travail, il a justifié quand même, parce que moi, en réalité, comme je vous avais dit, avant mon proposition, j'étais agressé physiquement avec un responsable d'exploitation qui s'appelle Omar Ndiaye. D'accord. Il a pris mon col de chemise qui m'a mis au parterre. Donc moi, à ce jour, je suis parti au commissariat à mettre à main courante. Donc c'est là, après l'enquête contradictoire, que j'ai informé l'employeur comme quoi j'étais agressé physiquement. Donc l'employeur, l'inspecteur de travail, je l'ai informé à l'inspecteur de travail. L'inspecteur de travail, il a fait son enquête, qu'il a demandé à l'employeur comme quoi un salarié a mis son pied dans votre établissement, il a droit d'occuper son protection. Mais moi, j'ai été agressé. Qu'est-ce qu'il a posé la question, à quel engagement qu'il a fait? Parce que je suis délégué représentant syndical quand même, j'ai été agressé physiquement. Il y a des CACGT à Paprec, donc ils ne sont pas engagés. Il y a des madame l'Arrache, les responsables de l'Arrache qui sont là-bas, qui ne sont pas engagés. Après, l'inspection de travail, il a demandé à quelle enquête qu'ils ont fait dans mon agression. Donc là, c'est là qu'il a justifié les mails. Il a demandé de fournir telle date de certains emails. Donc mon employeur, il a fourni les mails le 16 novembre et le 2 décembre. Donc dans ces mails qu'on a trouvé, un employeur qui a engagé à mon licenciement depuis le 16 novembre, or qui est pas prêt, qui m'ont rapproché le 2 décembre, le 6 décembre, le 2 décembre. Le 2 décembre qui dit que moi j'ai fait les violences, j'ai fait l'agression. En fin de compte, là, ces mails montrent très bien que c'est programmé. Ces mails montrent comme quoi depuis le 16 novembre, mon licenciement a été demandé. Il y a un appel qui a été fait pour notre directeur d'établissement au niveau de Mme Larache, une sanction jusqu'au licenciement. D'accord. Parce qu'il a demandé, il a dit dans ses mails, et Mamadou représente un grand danger pour équilibrer notre agence. Il a dit, je l'ai vu discuter Mamadou avec telle personne, il a cité certains personnels, des camarades, dans le parking, parce que je suis surveillé pour mon activité syndicale. Hein. Il a dit, Mamadou, je l'ai vu discuter avec telle personne, ils sont tous clairement dans son parti. Ça, c'est écrit dans ses mails. Mon parti, c'est quoi? Ça veut dire qu'il cherche. Il a dit, ils sont tous dans ce parti. Mamadou représente un grand danger pour équilibrer notre agence. La deuxième, j'ai un collègue qui a été témoigné par rapport à mon agression avec notre responsable d'exploitation. Il y a un mec qui a été témoigné direct. Donc, dans ce mec-là, son nom a été cité dans les mails qui a été fait le 7 novembre. Il dit, ce mec-là, il a montré son vrai visage. Il est clairement dans mon parti. Il se montre comme un cador. D'ailleurs, il est parti demander Mamadou pour demander deux fois explication. Qu'est-ce qui s'est passé? Et ce mec, pour moi, le directeur qui parle comme ça, il est en train de parler à Mme Larache. Et pour moi, les deux personnes, ils représentent un grand danger pour équilibrer notre agence. Donc, mise en pied ne suffira pas à régler un problème, sans doute, au contraire. Là, il a bien écrit ça. Et le deuxième jour, le 2 décembre, pardon, il a envoyé deuxième email à la dame. Il dit, bonsoir madame, pour continuer mon email, j'ai 5 témoins, moi-même je suis parti de 5 témoins, je vais tenter de rajouter 3-4 témoins. Pour donc où? Ça s'appelle la fabrication de témoins. Voilà, donc là il charge. A mis 8 témoins quand même. Donc en fin de compte, pour vous licencier, on fait des agressions physiques. On monte des faux témoignages. 8 faux témoignages. Ce qui est impressionnant. Oui. Ça dit quelque chose de ce que ça veut dire le paternalisme, le contrôle. On vous surveille, on vous flique. Ils m'ont agressé. Ça, c'est l'agression, c'est une provocation en fait. Parce que croyez que s'ils me provoquent, je vais la taper. Ah, d'accord. Donc moi, C'est très bien joué pour eux. Donc, c'est qu'ils cherchent que vous fassiez la faute. Voilà, parce qu'ils sont en même association, les responsables, avec certains salariés qui poussent. Pour justifier un licenciement. D'accord. Donc moi, je l'ai dit, je ne suis pas là pour bagarrer. Ouais. Je ne peux pas me battre avec un responsable de la boîte. Donc moi, je suis là pour défendre mon mandat. Donc ce n'est pas la guerre. Donc, Moi, je vous propose de faire un petit arrêt, une petite pause, et après on revient, et on fait une pause musicale, et on revient sur, après, qu'est-ce qui s'est passé par rapport à tout ça. Voilà. Et vous êtes bien sur Fréquence Paris Pluriel, au fond près du radiateur, et on revient. Bien de retour au fond près du radiateur 106.3 FM, on vient de s'écouter Coming Soon de Skepta featuring Mark Conen, et donc on est toujours avec Mahamadou Kanté de l'entreprise Paprec, et donc vas-y Mouloud, c'est toi alors, qui mène l'interview. Alors moi c'est bien de rappeler que tu as été harcelé. Qu'ils ont fait le choix, comme tu étais délégué syndical. Donc, on rappelle juste Paprec, donc entrepôt de recyclage industriel, oui. Situé à la Courneuve, au Blanc-Mesnil, oui. En Seine-Saint-Denis. Oui. Et en fin de compte, ce que tu décris, c'est qu'ils font la chasse aux personnes qui veulent. À la CGT, oui. Et qui veulent défendre le droit les plus élémentaires des salariés oui. Tout en étant hors la loi, oui. C'est ce que tu décris. Oui. Donc, harcèlement, oui. Au départ, une volonté de t'acheter 48 000 euros. Oui. Et très vite, eh bien, comme tu refuses, eh bien, ils te mettent une mise à pied. Et il y a toute une procédure qui a lieu. Et, avec les mandats. Alors que tu gardes ton mandat de la CGT. Et moi, je souligne le fait que tout au long de cette procédure, tu n'as plus de salaire. Oui. Voilà. Et deuxième chose, est-ce que tu as le droit de rentrer à l'entreprise ou pas ? Et voilà, oui, j'ai le droit de rentrer dans l'entreprise parce que comme je ferai rappel, je l'ai dit, mon mandat est toujours, il n'est pas suspendu, mais je dépose mon RD de délégation, mais je n'ai pas payé toujours depuis décembre 2016. Nous sommes 13 mois aujourd'hui par salaire. Donc, depuis 13 mois, tu n'as pas de salaire ? Non. Ok. Donc voilà, je vis toujours avec les solidarités, et ouais. Les sympathisants et les CGT et les camarades. Donc voilà. Donc pas près, et j'ai engagé en procédure. Mon premier RFI a été fait pour l'inspecteur de travail le 21 février 2017. D'accord. Avec discrimination syndicale. La décision, c'est il y a des éléments forts de discrimination syndicale a été justifiée pour l'inspecteur de travail. Donc pas près. Le 22 février, ils m'ont dispensé d'activité. D'accord. Donc, l'inspection du travail revient encore nouveau. Il dit dispense d'activité contre un délégué syndical ou un représentant syndical. C'est un délai entrave. Donc, ils n'ont pas respecté la décision, toujours. Ils ont demandé une mutation à 5 clients sous-traitants pour couper les contacts avec les collègues. Parce que ici, je reste dans la boîte, je vais mettre à tout le monde à CGT. Donc, c'est là, il dit non, on va l'envoyer sous-traitant à 5 clients. Il va travailler tout seul. Comme ça, il a des. Et j'ai plus de contact avec les collègues. Donc, l'inspection du travail est intervenue nouveau. Il dit, ça se considère comme une modification des contrats de travail, parce que c'est sûr, bien sûr, c'est une modification de travail, parce que je suis conducteur à la Corneille Bapaprec. Et là, à Estom, je vais aller faire quoi là-bas ? Je vais aller distribuer les bonbons d'eau sur les fontaines. Donc là, ça, c'est une modification des contrats de travail. Et l'inspection de travail dit toutes les modifications de contrat de travail d'un salarié portugais, c'est trouble manifesté. Donc là, je demande au salarié à saisir des juges référés. Donc là, j'ai été intervenu. Donc là, quand ils veulent te faire travailler, je ne sais plus dans quelle boîte, pour t'éloigner de ton lieu de travail. Exactement, pour m'empêcher de mon activité syndicale. C'est ce intelligent. Voilà. Bravo, Paprec, n'est-ce pas ? Voilà. Donc là, je l'ai refusé, ces mutations. Ouais. Et j'ai saisi des prud'hommes. Les prud'hommes, il a pas, le dossier quand même est resté 4 mois. Donc comme prud'homme, il n'a pas jugé l'affaire. Après, l'affaire, il est parti au fond. Donc je suis parti encore à l'Istom un jour pour apprendre la poste qu'ils m'ont proposée, pour continuer à constater toujours quand même. D'accord, la poste qu'ils m'ont mité là, je suis parti pour apprendre et je continue à constater pour attendre les décisions des juges. D'accord. Donc, les dossiers, ils ont un prud'homme, après qu'ils n'ont pas entendu la décision des prud'hommes, ils m'ont mis en deuxième mise à pied. Ouais, et cette deuxième mise à pied a été faite le 22 mai 2017. Donc, 22 mai 2017, quand je suis parti à Estom, la société à Estom, à ses sous-traitants, à ses clients, j'ai trouvé 3 cadres de PAPREC plus qu'un huissier de justice. D'accord. Ils m'ont mis dans un local qui dit, ils donnent un document à signer et sinon je vais prendre un procès verbal. Donc là, j'ai révisé, j'ai signé fiche de poste qui a en dessous, j'ai marqué, j'ai signé sous contrainte. C'est-à-dire qu'ils m'ont forcé à signer parce que je n'ai pas besoin de signer un fiche de poste. Moi, je suis à 14 ans dans la boîte. Vous vous retrouvez en face de 3 cadres. 3 cadres. Puisqu'il y a un huissier. Vous savez dans que. Un local. Alors, je vais juste faire un point. En 1982, c'est ce qu'on faisait à Citroën-Lunet-sous-Bois. Et j'ai un camarade, quand il rentrait, à chaque fois, il était convoqué à la direction, on lui demandait de démissionner. Oui. Ça s'appelle la guerre. Oui. Au syndicalisme. Oui. Et ce que vous racontez, c'est la même chose. C'est la même chose. Et moi, j'étais pris les mises à pied à ces jours-là. L'inspection de travail, il a fait son recours, il a fait son enquête encore nouveau. Il a refusé le 18 août. Il a dit, il y a une discrimination encore nouveau. Et à l'origine des bandes des ministres. Donc, ils ont saisi les ministres le 11 avril. Ouais. Donc, le 11 avril, les ministres qui viennent de confirmer le 21 novembre dernier, comme quoi il y a des éléments forts de discrimination. Quand même, les ministres, ils viennent de confirmer la décision de l'inspection de travail. Donc là, actuellement, j'étais passé, j'ai passé en cours d'appel il y a une semaine, il y a deux jours, trois jours, là, j'attends oui. les décisions des cours. Oui. Donc, moi, toujours, je vis toujours avec les solidarités, oui. mais j'ai toujours à continuer à me battre avec les sociétés comme ça qui sont criminelles parce qu'ils ne voulaient pas payer, parce que je suis engagé toujours à me battre avec les salariés, à défendre les autocollants de CGT. Et moi, je l'ai dit, je n'ai cédé à rien du tout. Je vais aller jusqu'au bout. Donc, moi, ce que je demande, c'est tout, après qu'ils respectent les gens. Et nous sommes dans les pays démocratie. Donc moi, je pense que tous les salariés ont son choix de syndiquer, les syndicats qui veulent. On a des libertés syndicales. Aucun salarié, la loi française, il dit aucun salarié qui peut être sanctionné, quelle que soit son religion, quelle que soit son couleur de peau, quel que soit son syndicalisme politiquement. Mais pas après, une fois que tu as pris les autocollants des CGT, pas tous les syndicats. Hein. Tu peux être un syndicat, les autres syndicats, ils sont là-bas, tu n'as pas de sanction. Mais tu as un petit autocollant de CGT et tu seras sanctionné. Et parce qu'ils ont soupçonné, même si tu n'es pas un délégué, ils ont soupçonné clairement, tu es à mon côté, tu seras sanctionné. Parce qu'il y a une mesure qui a été prise, le mec qui était mon témoignage, qui dit il est clairement dans mon parti. Il y a plusieurs personnes, son nom a été cité, comme quoi ils sont dans mon parti. Moi, mon parti, c'est quoi? Parce que je suis à CGT. Je suis trop dangereux pour équilibrer dans l'agence. Donc maintenant, il dit, maintenant ils font quoi? Ils ont licencié un camarade de moi qui était témoin encore nouveau, une minute de retard. 10 ans dans la boîte, une minute de retard. Ils ont licencié une note qui dit il a fait les pipis sur les papiers. Il y a une troisième personne qui vient de démissionner la semaine dernière. Et tous, ils ont soupçonné clairement, ils sont en CGT, ils mettent à certaines conditions de travail très, très, très dégradées. Donc maintenant, et tu n'as pas le choix, tu es obligé de démissionner. Et moi, quand même, je suis portugais, mais il y en a qui ne sont pas portugais. Donc ils n'ont pas le choix. Ils ont obligé à rendre son démission. 14 ans, 17 ans dans la boîte, ils viennent de démissionner la semaine dernière. Il ne peut pas tenir. Parce qu'ils ont mis dans ces mauvaises conditions, il n'a pas le choix, il est obligé de démissionner. Il y en a un qui peut tenir, il y en a un qui ne peut pas tenir. Voilà la question, Paprec. Ce que tu as décrit là, c'est l'harcèlement moral. Il y a des harcèlements moraux, bien sûr, il y a des harcèlements moraux, parce que moi, quand tu n'as pas de salaire, tu n'as pas de droit de semence, tu n'as pas de droit, tu n'as pas de. Et reste à rien pendant 13 mois. Donc, je comprends pourquoi ils font ça. Ils vont dire que, ouais, il ne peut pas tenir. Voilà, donc on va le mettre à station, mauvaise condition. Donc, il est obligé à la fin, il est obligé à lâcher l'affaire. Donc, moi, je l'ai dit, on peut continuer au combat en tant qu'il y a CGT derrière moi, parce qu'il y a 700 000. Moi, je n'ai plus de popularité qu'il y a. Et ils sont à 8 000. Moi, j'ai des 700 000 derrière moi. Donc, je ne suis pas peur. Donc, je ne suis pas allé jusqu'au bout. Donc, je demande surtout la justice qui fait son travail, la vérité de l'affaire. Donc déjà, j'ai eu des vérités parce que l'inspecteur de travail, l'agent de contrôle, il a fait son travail correctement. Les ministres même de travail qui viennent de confirmer la décision. Donc voilà, j'attends la justice surtout qui donne la vérité. Voilà la question. Donc maintenant, et il veut quoi? Prendre l'argent, on te propose l'argent parce qu'il est pauvre, il est là, tel, donc il va lâcher l'affaire. Donc moi, je lui dis non. Je vais continuer au combat. Jusqu'à la justice qui donne vérité. Voilà. Donc, après, c'est une société qu'ils ont fait, il y a dans l'élection présidentielle entre Macron et Marine Le Pen, notre PDG, Jean-Luc Petit-Ganin, qui a fait un courrier au niveau de la salarié qui dit, et il a fait un appel contre vote contre FN. Donc, il est en train de parler devant les médias comme quoi quelqu'un il est aux côtés des salariés, il est aux côtés des migrants, maghrébins, africains. Or, que l'autre côté, il est en train de discriminer les salariés dans son boîte. Donc, j'ai eu les contacts même avec les journalistes de BFM qui me posent la question dessus. Et j'ai dit, je n'ai pas de réponse parce que moi, ils ont dit qu'ils ont envoyé le courrier à tous les salariés, mais moi, je n'ai pas réussi le courrier. Ce qui est intéressant, c'est quand tu as fait référence au positionnement effectivement politique de ce monsieur. Moi, j'ai lu son interview sur RTL. Encore une fois, ce monsieur est effectivement très apprécié par la gauche, par beaucoup les médias. Il réussit bien à bien passer. C'est la méthode Macron. C'est un Macron et Macron dans le bon sens. Un beau costard, un beau sourire. Et si on gratte un peu, le positionnement de ce monsieur, c'est de dire que pour mon business, Marine Le Pen, c'est pas terrible. Mais si demain, Marine Le Pen, le programme économique de Marine Le Pen est bon, je suis prêt à le faire. C'est ça le point central. Voilà. La lutte contre l'islam, c'est la lutte aussi contre les étrangers, il faut quand même le rappeler. Oui. La lutte antisyndicale et les méthodes qui sont faites, ça a un siècle en France. Oui. Peugeot, Citroën, Bouygues. Je voudrais aussi rappeler que plein de salariés aujourd'hui qui peuvent nous écouter, qui travaillent chez Bouygues, notamment sur les plateaux téléphoniques, doivent changer leur prénom. Parce que c'est aussi ça la charte pour l'égalité des chances, etc. C'est le fait que quand on vous téléphone pour vendre un produit téléphonique, c'est toujours Jean-Marc, c'est toujours Pierre. En réalité, toutes ces personnes qui sont dans des plateaux téléphoniques, ils s'appellent Mamadou, ils s'appellent Mouloud, ils s'appellent Malika. Oui. Et de fait, ce n'est pas inscrit dans le contrat de travail qu'on change le prénom. Sauf que dans les faits, ils sont obligés de changer leur nom et leur prénom. Oui. Ça dit quelque chose de ce que c'est que l'apartheid made in France. Oui. Et de ce que c'est que le colonialisme aussi. Le fait que ce type se présente et applaudit aujourd'hui en 2017, ce n'est rien d'autre que cet monde réel. Le point central aussi de ces entreprises, c'est qu'ils vivent du sang de salariés, et notamment de salariés d'origine étrangère, et ça fait un chouette bénéfice. Et je trouve que le comble du comble, c'est ce niveau d'harcèlement, de massacre. Parce que ça a une longue histoire. Oui. Alors moi, je voudrais juste te dire, parce qu'on va malheureusement terminer l'interview, te dire que on est d'abord, on est très content de t'avoir reçu. Deux, c'est pas évident. Oui. Et on essaye d'être avec toi comme plein d'autres gens. Oui. Et je trouve que ton interview est un révélateur de cette société-là. Oui. Elle nous dit ce que est le vrai visage du capitalisme français, de ses sourires, de ses costards, de ses hôtels à 5 étoiles, et qui, derrière, fait leur bénéfice, c'est toi. Oui. Et c'est important de le rappeler, et j'espère te revoir. Et je ne sais pas si tu as, parce que moi, comme d'habitude, je m'enflamme, si tu as encore quelques mots à dire. Oui, voilà. J'ai quelques mots à dire, parce que pour mes camarades qui sont les chauffeurs, qui sont en condition de danger à peu près, qui sera sanctionné au niveau des limitations de vitesse. Si il te donne certains clients, il y a des chauffeurs qui sont plus pro des sociétés, qui sont plus pro de l'employeur, ils te donnent les clients côté à côté. Mais ceux qui sont ceux qui sont pas à côté d'employeur, ils t'envoient au niveau de Provence, aller-retour, ou 3, 4, 5 départements différents. Pour faire la collecte des déchets. Pour enlever les collectes des déchets. Il y a les chauffeurs qui sont là. Tous les chauffeurs chez nous, à Palakornay, ils travaillent, ils rentrent avec les vêtements sales dans la maison, ils n'ont pas de vestiaire. D'accord. Ils n'ont pas de vestiaire, ils n'ont pas de toilette. Donc, et ça, c'est un truc grave. Personne ne peut pas réclamer parce que tu réclames, tu seras viré sur place. Donc, ils ont les sous-charges, les tonnages, et c'est grave. Il y en a un qui prend des bennes avec 30 tonnes au lieu de 25 tonnes. Donc, ils n'ont pas le choix. Ils ne peuvent pas réviser. Il y en a un qui peut réviser, mais il y en a un qui ne peut pas réviser. Mais actuellement, depuis mon arrivée au niveau CGT, j'ai essayé avec mes camarades. On a nommé maintenant actuellement un représentant syndical pour les chauffeurs des PAPREC. On veut que tous les chauffeurs qui nous rejoignent à continuer à améliorer les conditions de vie des chauffeurs aussi qui se trouvent graves à Paprec. Parce que le chauffeur qui ne roule pas très vite, il sera sanctionné. Le chauffeur qui traîne, qui tombe dans le bouchon, qui dit « Ouais, je suis tel », et là, tout de suite, tu vas avoir un avertissement. Et là, tu ne peux rien faire, tu n'as pas le choix. Donc, mes camarades aussi qui m'ont soutenu dans les boîtes, je vais franchement féliciter, parce que si tu vois, je suis en train de continuer un combat, je vois bien que même s'il ne peut pas s'exprimer devant l'employeur, même s'il ne peut pas parler, je sais qu'ils sont derrière moi au fond. Donc là, ça c'est franchement, c'est une chose que je vais les encourager, et toujours qu'il ne faut pas qu'il va être père. C'est un combat que moi je vais les amener jusqu'au bout. Donc en tant qu'ils sont derrière moi, en tant qu'on reste solide, c'est l'employeur, l'objectif d'employeur pour nous séparer, pour nous diviser. Et là, CGT, il ne va pas avoir la majorité. Mais moi, ce que je vais le dire à peu près, moi, à la prochaine élection, je vais voir même 50%. Je vais voir 50% dans la boîte. Et je vais voir même peut-être 80% des suffrages dans la prochaine élection, parce que je sais qu'il y a dedans, ils sont derrière moi. Blanc-Ménil, à la Corneille, ils sont tous derrière moi. Donc, moi, je vais le dire à CGT, Je veux remercier aussi des camarades CGT au niveau de tous les départements parce qu'ils m'ont soutenu franchement jusqu'au bout. Si tu vois, d'ici là, jusqu'à maintenant, je n'ai pas de salaire. Grâce à eux, avec les sympathisants aussi. Ce n'est pas seulement les CGT. Oui, parce qu'il y a eu une collecte au niveau de la CGT pour compenser les pertes de salaire que tu avais. Voilà, quoi. Pas seulement les collectes. J'ai des camarades qui sont aux Provence, j'ai des camarades qui sont jusqu'au Martinique qui m'envoient l'argent. Pour solidarité. C'est grâce à ça que j'ai tenu à 12 mois comme ça sans salaire. Ce n'est pas seulement les collectes. Les échecs qui viennent à ma solidarité partout, à toutes les lignes locales, à Ouassi, partout, tous les départements. Donc là, moi, franchement, c'est là qu'il m'a donné à encourager à continuer le combat. Sinon, comment tu peux vivre un an t'as pas de salaire. Donc là, mais CGT, franchement, on est solide. Et les sympathisants aussi, pas seulement les CGT. Et il y a des camarades aussi qui ne sont pas CGT, mais ils sont très fiers de mon lutte là. Donc ils m'ont soutenu jusqu'au bout, sans oublier. Je n'ai oublié jamais. Et comme vous aussi, les journalistes, que ça, c'est une mission que ça va me soulager parce qu'il y a des camarades qui m'écoutent. Il y en a beaucoup qui ont entendu mon affaire, mais ils n'ont pas bien compris ce que c'est passé réellement. Mais moi, je vais leur dire que je remercie à tout le monde. Et je vous remercie la radio aussi. J'espère que à la prochaine fois aussi, avec mon lutte là, je vais venir une nouvelle fois pour exprimer ce qui se passe. On attend la justice qui donne la lumière dans cette affaire. Et voilà, ce que je voulais dire aussi, c'est que Paprec, donc comme on l'a dit, c'est une entreprise en 20 ans qui est passée d'une entreprise de 45 salariés à 8000 salariés aujourd'hui. Oui. Mais ça, il n'aurait jamais pu le faire sans vous. Que la force de cette entreprise, c'est les travailleurs de cette entreprise. Oui. Et que si le travail s'arrête, Paprec, c'est plus rien du tout, tu vois. Oui, parce qu'avec ce handicap, Paprec ne peut pas gagner, parce qu'avec les conditions de travail qu'il a, et Paprec, ils sont supérieurs, en brut, hein, les 100 euros. Supérieurs de ceux. Mais quand tu te vois les petits gagnants, il va parler, il va dire que oui, moi je suis supérieur de SMIC, moi je suis tel, tel, tel. Mais il y a des gens, ils travaillent 50 heures, 10 heures par jour. Voilà. D'accord. La question. Donc là, il n'y a pas de contrat. C'est comme ça que les déchets deviennent de l'or. Voilà. C'est ce qu'explique. Et les plastiques et les bois. Voilà. C'est ce qu'explique dans les interviews Jean-Luc Pintinguin dans BFM. C'est que je réussis à faire des déchets de l'or. Eh bien, faire de l'or, c'est la discrimination, le racisme, l'harcèlement moral, la violence, et y compris le fait de ne pas respecter les lois les plus élémentaires du code du travail ou même du code pénal. Et agression syndicale, ce qui n'est pas rien aujourd'hui. Actuellement, et Chacha, les CGT, et vous, je demande à tout le monde aussi qui peut aller sur YouTube, vous regardez une vidéo qu'il a fait Petit Ghana, il y a 2 ans, qu'il dit, parle contre toutes les discriminations. Il a dit dans cette vidéo-là, et lui, il est là pour recruter les Maghrébins dans cette vidéo. Je demande à tout le monde qui suit cette vidéo-là, qui dit, ils font les recrutements au niveau des Maghrébins, les Africains, pas seulement les recrutements, on les donne les chances, on les recrute, on donne les qualifications, on va les informer, on va les faire tel. Ce discours-là, c'est Citroën qui allait au Maroc, en Algérie, recruter les paysans algériens, etc., etc., oui, pour les amener en France, dans les pires conditions, sans pratiquement aucun contrat de travail. Oui. Et le premier point central, c'est qu'ils n'avaient pas le droit de s'inscrire à un syndicat. C'est comme ça qu'on a fait pendant un siècle dans l'automobile. Oui. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, c'est bon banania, c'est comme ça la politique de ces gens-là. Et je trouve très intéressant de voir le lien avec la Seine-Saint-Denis, l'automobile et cette entreprise, parce que, en fin de compte, il reprend les mêmes formules, recettes de faire de l'or et faire de l'argent, c'est discriminer, taper sur la tête des gens. Oui. Et ça, c'est une recette qui marche très bien. Et je trouve que c'est assez éloquent, ton témoignage par rapport à ça. Oui. Ça a un siècle d'histoire. En plus, c'est avec la décision des ministres qui demandent des mots intégration, les inspections de travail avec les papiers qui révisent toujours. C'est là la question, parce que c'est un truc de ouf. Et ils ne respectent pas l'administration. Donc, comment ils peuvent respecter les syndics? Ils ne respectent pas même les ministres. Ils n'ont même pas respecté les ministres parce qu'ils n'ont pas respecté les décisions de l'inspecteur. Et le point central, à force, quand on pose cette question-là, ça renvoie à qui sont ces gens-là. C'est eux, le pouvoir. C'est eux, le pouvoir, oui. Ils n'ont rien à foutre de la justice. Oui. Rien à foutre. Rien. Et on le voit bien avec Dassault, on le voit bien avec LVMH. Ils vont dans des paradis fiscaux pour cacher une partie de leur fortune. Oui. Il n'y a aucun souci là-dessus. Oui. Et c'est là où le point central, la solidarité, la lutte des classes est importante par rapport à ces gens-là. Parce que seul, on est écrasé. Et c'est un peu toute l'histoire du mouvement ouvrier. Et juste un petit mot, ouais, il y a dans les Madame Larache des Papres, dans mon enquête, il a envoyé un courrier à le 26 décembre à les responsables, les patrons et les inspecteurs qui mettent l'impression pour me donner autorisation de mon licenciement. Ça, c'est une corruption totale. Ouais. Complètement, oui. C'est les Madame Larache des Papres, directrice des ressources humaines, envoyé un mail à la patronne et mon inspecteur. Ça, c'était justifié après. Au patron de l'inspecteur du travail. Au patron de l'inspecteur de travail qui a saisi mon affaire. D'accord. Qui est au cours d'une enquête. Pendant l'enquête, il a envoyé un mail à son patron qui me demande de regarder le dossier pour justifier mon licenciement. Alors, on va finir par le recyclage sera au cœur de l'industrie du 21e siècle. Eh bien, cette industrie du 21e siècle, c'est simplement l'industrie tout court, et ça dit quelque chose de deux siècles de capitalisme français et de success story sur la base de la surexploitation de population. Et voici ce que tu décris très bien, parce que ce monsieur parle des valeurs humanistes. Eh bien, les valeurs humanistes pour monsieur Paprec et compagnie, la chasse à l'homme, la discrimination, on fait du fric et on fait du fric. Oui. Merci. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci et à vous aussi. Et en tout cas, un message pour tes collègues, s'ils pouvaient nous écouter. En tout cas, restez forts, restez unis. Oui. Et voilà, c'est en restant debout que tous ensemble que vous pourrez vous faire respecter, quoi. Et on parle ici de respect, de dignité de chacun, oui. Élémentaire. Et voilà, restez forts, restez ensemble. Ensemble. Et merci, merci à tous qui avaient pu nous écouter. Merci. Et on va faire une petite pause musicale avant de passer au dernier sujet de cette émission. Donc comme je vous le disais, on sera ensemble jusqu'à 20h30. Et tout de suite, on va parler de la Catalogne et de... Donc pour se tenir au courant des derniers événements sur place avec Xavier qui est avec nous. Tout de suite, une petite pause musicale au fond de la Data 6.3 FM. Gardez l'écoute. To see you winning, they want. gotta make a decision. Right now I gotta keep a ton of vision. They sending all my homies on a mission. And I ain't tryna miss out on these billions. Vous êtes toujours dans l'émission Au fond près du radiateur, comme tous les mardis soirs de 19h à 20h30. Et tout de suite, on va passer au dernier sujet de cette émission. Donc on est avec Xavier. Salut Xavier. Bonsoir. Bonsoir. Donc toi, tu fais partie du CDR, donc, qui est le comité de défense du référendum. Donc Paris, le comité de Paris. Et donc, tu es d'origine catalane. Tout à fait. Et donc, quand on dit comité de défense du référendum, de quel référendum on parle ? Donc, on parle du référendum qui a eu lieu le 1er octobre en Catalogne, où 2,5 millions de personnes, il me semble, ont... ouais, c'est ça, 2,5 millions de personnes se sont prononcées pour l'indépendance de la région. Donc, on en avait déjà parlé avec un ami qui s'appelle Ivan sur cette antenne. D'ailleurs, vous pouvez retrouver cette émission sur notre site, donc au fond près du radiateur.fr. Et ce qui nous semblait intéressant dans ce que disait Ivan, c'est que donc, souvent, un des arguments qu'on entend pour discréditer ce référendum, c'est que la Catalogne est la région la plus riche d'Espagne et donc que les Catalans voudraient en gros garder les richesses pour eux. Ivan, et notamment le CDR, ce que vous défendez, c'est une autre vision un peu de l'indépendance. C'est-à-dire que le gouvernement central de l'Espagne, donc, qui siège à Madrid avec Rajoy, qui est dirigé par le Parti Populaire, donc qui est un parti d'héritage franquiste, donc qui est héritier de la dictature. Clairement, il y avait des gens qui avaient été ministres sous Franco qui ont été responsables du Parti Populaire. C'est eux qui sont au pouvoir en Espagne aujourd'hui. Et qui font des coupes d'austérité dans les budgets des services publics, qui sont responsables, entre autres, de la crise économique qui touche durement une partie du peuple espagnol et les classes qui touche durement les classes populaires espagnoles et catalanes. Et c'est vrai que la Catalogne, l'indépendance, c'était un moyen de dire bah voilà, on ne veut plus rien avoir à faire avec votre politique, plus rien avoir avec. Avoir à faire avec la politique du Parti Populaire et laissez-nous décider nous-mêmes ce qu'on veut faire. Et il y en a assez des gens, par exemple, qui perdent leur maison parce qu'ils ont pris un crédit et qui se retrouvent au chômage et qui ne peuvent plus payer leur dette, qui se retrouvent expulsés et qui, à côté de ça, restent endettés auprès des banques. Donc c'est un exemple parmi d'autres de la situation sociale qu'il peut y avoir en Espagne. Et c'est vrai que l'indépendance, c'était un peu une autre voie pour pouvoir vivre dignement, tout simplement, quoi. C'est un peu comme ça que nous, on le voyait. C'est une vision de l'indépendance dont on se sentait proche, qui n'est pas forcément celle de tous les indépendantistes, mais en tout cas, c'est, à mon avis, la vôtre au CDR. Et c'est pour ça qu'on voulait vous donner la parole. Donc, Xavier, si tu peux te présenter un peu, et puis on va avoir un camarade au téléphone tout de suite aussi. Donc, je te laisse la parole. Donc, je m'appelle. D'abord, merci beaucoup de faire cette émission, de parler de la Catalogne. C'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur et on vous remercie vraiment beaucoup. Je m'appelle Xavier, je suis membre de CDR. Le CDR, c'était le comité de défense de référendum. Par la suite, après le 1er octobre, donc, c'est là donc c'est devenu le CDR encore, mais Comité de défense de la République. D'accord. Donc, il y en a plus de 400 partout la Catalogne et aussi à l'extérieur. Et nous, à plus près, il y a un peu plus d'un mois, donc on s'est constitué ici à Paris. Et donc, il y a plein de membres ici à Paris qui ont fait plein de travail pour exprimer notre point de vue qu'il est très différent de ce que la média espagnole a et ce que la presse française fait le copier-coller de la presse espagnole, quoi. C'est vrai que il y a eu très peu de reportages dans les médias ou quoi pour vous donner directement la parole et dire ce que vous voulez, quoi. Donc c'est pour ça que nous, tout simplement, c'était important de vous donner la parole ce soir. Mmh. Et donc, tu nous proposais, en début d'émission, d'avoir le témoignage d'un ami à toi qui s'appelle Albert. Et je crois qu'il est au téléphone avec nous tout de suite. Et donc, Albert qui a vécu les événements au moment du référendum et toute la répression qui a pu avoir lieu. Donc, c'est-à-dire que l'État espagnol a envoyé la Guardia Civil, donc, qui est la police, notamment la police anti-émeute. Dans toute la Catalogne, ils ont envoyé 10 000 policiers des forces anti-émeute pour empêcher les gens de donner leur opinion. Et notamment fermer les bureaux de vote et matraquer les manifestants, quoi. Et donc c'est un camarade à toi qui s'appelle Albert qui a vécu ces événements et qui va nous donner son témoignage. Donc Albert, est-ce que tu nous entends? Oui, bonsoir. Bonsoir. Donc merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Toi, tu étais sur place quand il y a eu le référendum, c'est ça? Oui, c'est ça, j'étais à Barcelone, oui. Donc est-ce que tu peux nous raconter un peu ce qui s'est passé, quoi? Oui, oui. Bon, en fait, j'ai des amis qui étaient dans l'organisation de CDR, le comité en défense du référendum. Et bon, ils m'avaient dit d'aller le vendredi soir, je suis allé dans une école où j'ai un ami qui est prof là-bas, qui était dans l'organisation du référendum. Donc, on est allé dormir dans l'école parce qu'il y avait la menace que bon, si, il fallait maintenir les écoles ouvertes, parce que sinon, à un moment donné, la police pourrait venir et elle pourrait les fermer. Donc c'est pour ça qu'il y a dans tous les quartiers, dans plein d'écoles, il y a beaucoup de gens qui sont organisés pour rester tous les week-ends, pour faire des activités tout le week-end. Bon, le samedi, j'ai reçu l'appel d'un autre ami qui me disait que dans son quartier, il y avait moins de monde. Donc bon, j'ai pris la décision d'aller là-bas. C'est l'école qui s'appelle Azor, dans le quartier de La Verneda. C'est un quartier populaire de Barcelone. C'est un quartier où la plupart des gens ont des origines d'autres régions de l'Espagne. Mais quand même, bon, je me suis dit, bon, je vais aider à l'organisation du référendum parce que ce n'est pas une question de nationalisme, c'est une question de lutter pour les droits des gens. Donc, voilà, on a passé la nuit du samedi au dimanche, on s'est réveillé à 5 heures. À 5 heures du matin, il y avait déjà une queue énorme à l'entrée, des gens qui voulaient voter. Parce qu'on avait on s'est dit que plus de monde il y aura, moins de possibilités que la police vienne pour fermer les bureaux de vote. Donc finalement, à 9h, on a pu ouvrir l'école. Les bulletins de vote et les urnes sont arrivés. Il y a quelques problèmes informatiques, parce que les serveurs, ils étaient pas opératifs, parce qu'il y avait des hackers. Mais bon, à 10h, ils ont annoncé, bon, on commence le vote, on pourra commencer à voter. Et immédiatement, 5 minutes après, on a vu arriver quelques camions de la police, des fourgons, ils étaient une dizaine. Ils se sont garés de l'autre côté de la rue, ils ont traversé, c'est une avenue assez large, ils ont traversé un courant, ils sont venus, et ils ont voulu rentrer, on leur a empêché, on a fait de la résistance pacifique devant la porte de l'école. Après, il y a d'autres fourgons qui sont venus derrière par la cour et ils ont ouvert la porte et ils sont rentrés dans l'école. Donc, ils ont cherché les urnes, ils ont cherché les bulletins de vote et tout. Et finalement, la porte où j'étais, ils l'ont ouvert de l'intérieur. Et bon, c'était des scènes très violentes. Nous, on faisait que de la résistance pacifique. On était assis, on était obligés de se lever quand ils ont ouvert la porte par l'intérieur et après, juste après, ils ont commencé à donner de coups de matraque à tout le monde. Mais il y avait des hommes, des femmes, des plus vieux, des jeunes. C'était juste des gens qui on voulait voter, on voulait protéger nos urnes. Moi, je crois à la démocratie. Je pense que voter, c'est pas un délit. Et c'est ça. Donc, à un moment donné, bon, j'ai reçu aussi des coups de matraque, j'ai essayé de protéger une dame qui était par terre. Bon, un ami à moi, il a reçu des coups de poing. Tout ça, c'est filmé, il y a des vidéos. L'expérience, c'était terrible. Je ne pouvais jamais imaginer que la police espagnole, un État qui normalement, il est homologué comme un État démocratique de l'Europe, pouvait faire telle chose contre la population. Et puis, on a vu que dans une dizaine d'écoles, ça se passait la même chose en même temps. C'était un choc pour nous de vivre ça. Bon, heureusement, bon, physiquement, j'ai pas eu beaucoup de mal. Mais bon, après, c'est tout ce qui est psychique de dire dans quel état nous vivons dans ces conditions-là. Et toi, par exemple, qu'est-ce qui t'a motivé à voter en faveur de l'indépendance? C'était quoi tes motivations? Alors, moi, bon, je suis indépendantiste presque depuis que j'ai 18 ans. C'était l'époque d'Aznar. Donc, c'était quelqu'un de droite, très autoritaire, et qui était très centralisateur. Et moi, je me suis dit, avec l'Espagne, c'est un peu compliqué que le peuple catalan puisse évoluer, puisse décider ce qu'il veut faire. Moi, je pense pas que l'indépendance, c'est juste une histoire d'égoïsme, de dire, nous sommes plus riches et nous sommes meilleurs et on peut se séparer des autres. Pour moi, c'est pas ça du tout. En fait, moi, j'ai de la famille dans notre région d'Espagne. Moi, j'aime bien l'Espagne, les différentes régions. J'ai voyagé un peu partout. J'ai des amis, mais c'est une question de lutte contre l'État, contre le royaume d'Espagne. C'est une lutte contre le roi Philippe VI, contre cette droite qui est héritière du franquisme. Et c'est ça, pour moi, c'est ça contre nous, notre lutte. C'est une question il y a un pouvoir qui contrôle tout, il contrôle la presse, il contrôle même l'opposition, parce que le Parti Socialiste, c'est pas un parti socialiste. On se sent qu'on revient en arrière. Non, nos parents, ils nous ont raconté l'histoire il y a 40 ans, quand ils ont lutté à la fin de la dictature et tout ça. Et on a l'impression qu'on revient en arrière. Il y a 20, 30 ans qu'on pensait qu'on était dans un état, dans un pays démocratique, mais c'est ça, on revient en arrière. Est-ce que ce que tu disais, c'est vrai que c'est un déni de démocratie totale, le fait que des gens veulent exprimer leur opinion et qu'on leur envoie la police, qu'on les matraque et qu'ensuite on destitue le gouvernement qui les représentait plus ou moins, mais c'est vrai que aujourd'hui, tous les ministres du gouvernement catalan sont en prison et ça se passe dans le pays voisin de nous. On est en France, donc dans le pays qui est vraiment juste à côté. Et c'est vrai que on entend très peu de personnes se lever contre ces actions, quoi. Et est-ce que tu as l'impression d'avoir un soutien international de certaines personnes, ou comment ça se passe, les réactions à l'international? Soutien international, alors soutien, par exemple ici à Paris, moi je travaille ici, j'habite ici, et quand j'ai raconté tout ce qui s'est passé, j'ai reçu le soutien de mes collègues du boulot, j'ai reçu de mes voisins, j'explique ce qui se passe et je reçois le soutien des gens. Après, à niveau des politiciens, des médias, des médias importants, c'est pas évident. On a l'impression qu'ils ne s'intéressent pas, que les gens sachent ce qui se passe en Catalogne et en Espagne en général. Parce que c'est pas une question de la Catalogne, parce que si le même autoritarisme, ils l'ont fait contre d'autres gens en Espagne. C'est pas seulement une question catalane, sauf que bon, le peuple catalan aujourd'hui s'est organisé et c'est justement là où il y a le. Il se joue l'avenir du royaume d'Espagne. On sait que si on veut que la République catalane soit reconnue, il faut qu'elle soit reconnue par les pays internationaux, par tous les autres pays. Donc c'est pour ça que bon, il y a une partie du gouvernement qui est en Belgique. La semaine prochaine, le 7 décembre, il y aura une grosse manifestation à Bruxelles. Normalement, il y aura environ 50 000 Catalans qui sont là-bas, qui sont organisés pour aller à Bruxelles en car, en voiture, machin. On ira à une petite représentation des Catalans de Paris. Et c'est ça ce que nous voulons faire, c'est internationaliser un peu le conflit et montrer au monde que l'Espagne, ce n'est pas ce pays au standard européen de démocratique et de justice. Tu penses que, ouais, comme tu disais, qu'il y a l'image qu'on donne du gouvernement espagnol qui est défendu dans les médias ou quoi, qui serait rationnel ou et que le peuple catalan serait pas dans la réalité, qu'il aurait fait un choix irrationnel et qu'il s'est trompé en quelque sorte quoi. Mais il y a eu aussi, enfin sur place, c'est vrai que les gens font pas ça pour rien et que ils s'organisent avec des comités locaux, comme tu le disais, Xavier, aussi dans 400 villes, pour défendre leur choix. Et peut-être on pourrait parler de ça aussi, comment les gens s'organisent pour se défendre sur place. Xavier, est-ce que tu veux dire un mot là-dessus? Donc en fait, oui, j'aimerais bien donc expliquer par exemple que la société catalane, il est une société qui est énormément organisée dès la base. On puisse penser, par exemple, à la France, donc c'est un pays qui est assez, peut-être un peu différent, c'est juste l'inverse, il est extrêmement pyramidal, alors que la Catalogne, à mes yeux, c'est extrêmement horizontal et très, très, très soudé de la base. Donc, il y a la presse espagnole qui souhaite montrer qu'il a les leaders catalans, qu'ils sont fous, qu'en fait, ils sont en train de manipuler à la reste de la population catalane vers un horizon irréalisable et voilà, des grosses conneries, et qu'on se trompe pas. Toute la population catalane, on est con parce qu'on se laisse faire pour ses dirigeants, alors que c'est juste l'inverse. C'est toute la société catalane qui est indignée depuis des années et énormément indignée depuis le 2010, qui s'est mobilisée énormément et qui a fait changer le gouvernement à plusieurs reprises, qui a cassé plusieurs partis politiques catalans, et que ça a été les partis politiques qu'ils étaient à la bourre pour être au niveau de la force que la société catalane il demandait pour être contre la répression espagnole. Donc en fait, c'est juste l'opposé de ce qu'ils souhaitent montrer. Entre d'autres, donc il y a tous les syndicats, il y a tous les partis politiques de base qui sont solidarisés dès le début, qu'on est entreliés. Et même l'exemple qui montrait Albert tout à l'heure, en fait, quelques jours avant du référendum de 1er octobre, donc toute cette base, donc il s'est organisé énormément pour défendre avec ses propres cœurs le fait de pouvoir voter, les écoles où on allait voter. Et voilà, c'était vraiment les personnes civiles qui l'ont fait. C'était pas les politiciens qui l'ont demandé de faire. Et pendant 3 jours, on était là, on s'est fait tabasser, lui notamment. Moi, j'étais ici à Paris. Donc, non, c'est juste l'inverse. Donc, ils ont créé ces 400 comités de CDR, comment s'appelle CDR maintenant? Albert, donne-moi un coup de main. Oui, comité. Comité de la défense, comité de défense de référendum. Et c'est comité de la République. Voilà. Comité de défense de la République catalane, quoi. Donc voilà, c'était bien ça. Et puis, que par la suite, donc, on a continué comme le CDR, du comité de défense de la République catalane. Nous, on est tous liés. Il y a aussi de malentendu, on va dire, par exemple, quand ça a commencé, on peut dire qu'il y a que quelques années que les Catalans se mobilisaient. Et bien, pas du tout. En fait, on a des exemples déjà en 1651 contre la présence des troupes castillanes, 1705 contre ceux qui défendaient les institutions catalanes, 1842, il y avait Espartero qui bombardait pendant 3 heures la population civile, 1843, le général Prim qui a fait son révolte enflammée pour faire face à la révolte enflammée. 1909, pareil, contre les jeunes qu'ils étaient contre la guerre du Maroc. 1934, après la proclamation de la République, ce qui après, donc, il est venu, c'est qu'on connaît bien, donc, la guerre civile et par la suite, ces 40 ans de franquisme. Et nous, on est mobilisés parce qu'on a une culture, parce qu'on a une histoire. Ce n'est pas quelque chose qui vient commencer il y a 5 minutes. Et nous, quand on regarde notre positionnement politique catalan, il est plutôt de centre-gauche, alors que l'espagnol, c'est pas tout à fait pareil. C'est pas tout à fait pareil. Nous, on souhaite une société qui soit égalitaire dans tous les côtés, en femmes, aussi des classes sociales. on a lutté très forte dans ces côtés-là. Et cette révolution, on espère bien que ça va servir pour plein d'autres choses, pas seulement pour devenir un État, mais aussi pour faire une société bien meilleure de celle qu'on a aujourd'hui. À titre d'exemple, donc, nous, le Parlement catalan, et là, on parle bien de personnes qui sont bien du centre, de gauche, extrême gauche. Donc, on a voté des lois, on s'est mis d'accord avec tous ces partis, qu'en plus, ils sont indépendantistes, et qu'après, donc, il y a eu le gouvernement espagnol qui n'aimait pas trop et qu'il a envoyé les lois au tribunal constitutionnel, sachant que le président du tribunal constitutionnel, c'est du même parti du gouvernement espagnol, c'est-à-dire le PP, fils de ministre, et qu'il est né d'un ministre franquiste, je veux dire fils de franquiste, et que celui qui a fondé le PP, c'était un ministre franquiste. Bon, donc ces personnes-là... Si tu me permets, là, tu es en train de parler de plusieurs projets de loi qui avaient lieu en Catalogne et qui allaient plutôt dans le sens du progrès social été cassés par la Cour constitutionnelle dont tu parles. Est-ce que tu peux donner des exemples, par exemple ? Donc, il y a, par exemple, la loi de... chronologiquement, pas par importance, mais chronologiquement, donc il y a la loi 18 de 2007 pour l'accès au logement. Il y a, par exemple, la loi numéro 1 de 2010 pour l'interdiction du fracking, la loi 12 de 2014 des impôts sur le nucléaire et les émissions, la loi 14 de 2015 de l'impôt sur le logement vide, la loi 17 de 2015 pour l'égalité effective des hommes-femmes, la loi 24 de 2015 pour affronter l'émergence du logement et les situations de pauvreté énergétique, lequel nous les Catalans, tous du centre, même droite, même gauche, tous on était pour que ceux qui ne puissent pas payer l'électricité ou le gaz, que ce soit le gouvernement espagnol qui paye, c'est pas n'importe qui, c'est nous on paye pour les personnes qui puissent avoir l'électricité et du gaz. Et le gouvernement espagnol ne le voulait pas, et là tombait cette loi. Donc il y a eu des personnes qui sont tombées sans chauffage. Il y en a beaucoup qui se sont suicidés parce qu'ils étaient sur l'émergence sociale. Et que nous, les gouvernements catalans, de tous les pans politiques, droite, gauche, centre, ça peu importe, tous on était tous d'accord qu'il fallait aider ces populations. Et non, ils l'ont pas fait. De la même façon, comme je vous disais, pour l'impôt sur les logements vides. Pour avoir des logements sociaux, au moins qu'il n'y a pas de logements vides. Il y a des personnes qui se sont suicidées parce qu'ils avaient des enfants, ils étaient dans une situation désespérée, et ils sont toujours. Et bien évidemment, il y a la loi 19-2017 pour le référendum de l'indépendance, la loi 20 de transit juridictionnel et de la fondation de la République. C'est-à-dire, nous souhaitons faire un État, avoir un pays qui soit d'abord démocratique, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui en Espagne, et après pouvoir faire des lois que nous, les Catalans, on considère que ce sont bons pour nous et pas pour les grands lobbies qui contrôlent Madrid. D'accord. Donc là, il nous reste à peu près 5 minutes d'émission. Est-ce que tu peux donner un peu, dernièrement en 5 minutes, donc qu'est-ce que c'est la situation sur place aujourd'hui ? Et donc on sait que Madrid a mis sous tutelle la Catalogne. Et quelles sont les perspectives du mouvement ? Quelles possibilités a le mouvement aujourd'hui ? Aujourd'hui, donc, en fait, on a bien compris qu'il y a des pouvoirs énormément puissants en Europe, peut-être mondiaux aussi, qu'ils ont obligé à l'État espagnol à faire des élections. Parce qu'eux ne souhaitaient absolument pas le faire. Ils l'ont dit, écoutez, il y a 54 jours, après avoir appliqué la loi de 155, qu'il faut faire des élections, ni un jour de plus, ni un jour de moins. Il faut le faire. Que ce soit un jeudi, bah, tant pis, c'est le 21 décembre, on fait un référendum un jeudi, pas un week-end, ce qui est une première, bien évidemment, mais ils ont été obligés à le faire. Bien évidemment, nous, on pense bien que c'est une espèce de référendum pour un couvert. Vous savez bien qu'il y a une partie du gouvernement qui est emprisonnée et l'autre moitié qui sont à l'exil à Bruxelles. La situation, vous voyez bien, la moitié en prison, l'autre en exil à Bruxelles, c'est dramatique. Voilà. Donc, nous, c'est qu'on va faire tous les partis politiques. Donc, on ira à les élections, même si on ne pense pas qu'elles soient légitimes. parce que nous avons notre président et notre gouvernement légitime qui l'a emprisonné et l'autre qui est à l'exil. Et c'est qu'on souhaite bien, c'est de faire ces élections, les gagner et montrer à ceux qui ont demandé au gouvernement ou exigé au gouvernement espagnol de faire les élections, de les prouver, qu'on est toujours là, qu'on est toute la population là et qu'on ne va pas disparaître si facilement comme ça. Notamment ce qui a pu être montré le 8 novembre quand il y a eu la dernière journée de grève générale, qui était une journée d'action aussi, où il y a eu énormément de routes qui ont été bloquées ou quoi. Et du coup, c'est comme ça aussi. Tu parlais des élections, mais c'est aussi par l'action directe que la population se fera respecter, quoi. Et je voulais te poser une question aussi, parce que l'émission se termine, mais... À Paris, ici, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous soutenir ? Nous avons un comité de référendum, un comité de défense de la République, ouais. Que c'est le CDR Paris. Vous pouvez nous trouver sur Facebook. N'hésitez pas à aller sur Google et nous trouver, nous joindre. Il y a plein de partis politiques et aussi syndicats français qui nous soutiennent. Et nous, on soutient aussi tous ces combats. Et on va essayer de faire nos meilleurs, quoi. Et on fait des informations en français pour tous les Français. D'accord. Donc tu peux rappeler, il y a une page Facebook ou un site internet où on peut vous joindre ? Oui, c'est CDR Paris sur Facebook. Maintenant, je n'ai pas l'adresse, le lien exact, mais regardez sur Facebook CDR Paris. On y apparaît, il y a la page, il y a des groupes, mais il y a aussi la page avec... et on fait des traductions des articles catalans ou d'ailleurs, ou des articles français, écrits par des Français, voilà, ou de la presse française, que tout simplement on fait le copy-call, ils en remettent. Donc là-bas, vous pourrez trouver des informations voilà, qui sont juste à nos yeux et pas avec avis centraliste espagnol et que la presse française ne fait que faire du copier-coller. Mais Chabien, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Il y aurait plein de choses dont on aurait aimé continuer à discuter et tout. Mais ça va être l'heure de l'émission d'Ubout que vous retrouvez juste après nous. Il est 20h30, donc voilà, au fond, près du radiateur, ça se termine. Et on vous souhaite une bonne soirée à l'écoute de Fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM. Et Chabien, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup à tous. Pour soutenir la justice sociale par via du CDR Paris, vous pouvez suivre et partager les publications et contacter CDR Paris sur Twitter, c'est twitter.com/CDRCATParis, sur Facebook, c'est facebook.com/CDRCATParis, et notre site web, que c'est cdrparis.wordpress.com. Yo, what's good, Pan Am? FPP Radio. Pan Am Live. FPP Radio. Yo, what's good, Pan Am? Pan Am 106.3 FM. Live. FPP Radio. Radio. Pan Am Live. Radio. On 106.3 FM. Paris, what's good? FPP. FPP. FPP. Fréquence Paris Pluriel. 106.3 FM. FPP. FPP. Radio musicale. Culturelle. Solidaire. Et politique. Retrouvez tous les programmes sur le site www.rfpp.net. Gardez l'écoute.